Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le 327e épisode de notre podcast. Un épisode enregistré comme d'habitude depuis quelques mois maintenant en direct sur Twitch. Si vous avez raté cet enregistrement, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre la prochaine fois. Ça vous permettra d'interagir avec nous en direct et de donner vos avis et vos commentaires sur les titres dont on parle. Je vais saluer les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va commencer par Boris. Bonjour à tous. Et on va terminer, par Clément. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, messieurs. Ça va. Parfait. Nous avons donc décidé que désormais les Comic Stories s'enregistreraient le premier week-end de chaque mois, ce qui nous permet d'avoir un espèce de calendrier fixe. Évidemment, dès le deuxième mois, cette règle va sauter, puisque en août, sachez-le, ce sera sans doute le deuxième week-end. Voilà. Mais on aura le temps de vous reprévenir. Et puis à partir de la rentrée, on va essayer de se fixer sur le premier week-end de chaque mois. En général, le dimanche matin, c'est pas mal. On va essayer. Oui, on va le faire, on va réussir. Il faut prendre des bonnes résolutions. Ce sera la saison 11 quand même. Puisqu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode de la saison 10. C'est pas mal. On va commencer avec quoi? On va commencer comme d'habitude avec les news de Boris, qui nous a noté quelques petits trucs sur le conducteur, dont la moitié dont je n'ai pas entendu parler. Ah non, un truc, en fait. Ah bon? Un truc, pardon. Oui, bah oui. Là, tu exagères. Non, c'est alors quatre séries que j'ai notées à pas rater, ou des reprises, on va dire. Alors la première, c'est Fish Flies de... Comment s'appelle-t-il? Jeff Lemire. Oui. Donc c'est une nouvelle mini-série. Alors je ne sais pas si cette mini-série est d'abord sortie sur... Substack, je sais pas ça. Si, je pense. Ouais. Si, ouais. Donc là, ça arrive chez Image. Donc ça arrive la semaine prochaine, le 12, donc ouais, le premier numéro est prévu pour la semaine prochaine. Donc moi, tous les projets où il est tout seul dessus, il dessine, il fait le scénario, en général je suis plutôt friand, contrairement à d'autres séries récentes où il était que au scénario. Bon, ça veut pas dire que les dessinateurs sont pas bons, bien évidemment, mais je trouve qu'il met plus de choses de lui dans ses séries quand il dessine. Donc je pense que ça devrait être une bonne série. Je sais pas, je crois qu'il y a déjà eu des reviews du coup, comme c'est sorti sur Substack. Ouais, je sais pas. Et puis il y a le SCBD aussi que l'on voit à l'écran. Pour ceux qui sont en direct sur Twitch avec nous, vous voyez le SCBD à l'écran qui, je crois, est le début du premier épisode. C'est vraiment le style, c'est du pur. Enfin, on reconnaît le style de Lemire au dessin. Je trouve ça super beau. Non, c'est magnifique. Mais sa patte, pour le coup, en termes de dessin, ça se reconnaît à des kilomètres. Il a vraiment un style. Isoka, lui, n'a pas été convaincu par le FCBD. Je ne l'ai pas encore lu, donc j'en sais rien. Sachant que le FCBD, c'est un petit morceau du numéro 1, hein, parce que c'est des oversized issues. Hein. Il y a 6... 6 numéros et ça va être vraiment des numéros oversize, donc je pense qu'on va être sur un format à la Chroma ou quelque chose comme ça en termes de pagination. Ou comment c'était la précédente qui s'appelle le labyrinthe inachevé en Macebook. Français, Macebook. Macebook, c'était aussi des. C'était des issues. C'était des singles d'une bonne cinquantaine de pages, ouais. Ouais. Puisque. Le prix, du coup. Si on regarde la suite, on nous dit voilà, giant size, c'est même pas. Ouais. Extra size, je sais pas, c'est giant. Ah, c'est 6 numéros. 6 numéros, ouais. 4, mais non, c'est 6. Voilà. Donc, bon, bah, ça me chauffe, hein, de toute façon. Ouais, moi aussi. Oui. Ouais, c'est précommandé, ça me chauffe. Donc, bon, après, j'imagine que ça arrivera. Si c'est de qualité, ça arrivera ensuite, sans doute, chez Futuropolis. Mais ça a déjà été, je crois. Ouais. C'est déjà annoncé, il me semble. Ah bon? D'accord, bah, j'ai pas vu ça, moi. Il me semble, effectivement, je crois. On est en train de vivre un truc incroyable, c'est-à-dire que Clément a une news. Avant. Ouais, Boris. T'as vu ça? Non, mais j'ai vu ça passer, ouais. Ça se trouve, il dit n'importe quoi. Donc Non, je suis quasiment sûr pour le coup. Je vais vérifier tranquillement pendant le. Pour une fois, je dis pas des bêtises. Quoi. Donc, pour une fois. On sait bien, tu reconnais un peu. Ouais. Ah, si, alors... voilà. Si, tu vois, j'ai raison, ça va s'appeler Les Éphémères. Ah ouais, ça c'est va vrai. Bien être cet automne aux éditions Futuropolis. D'accord, et bah parfait. Et bah écoute Dieu, bravo. En deux tomes. Deuxième news, Boris. Ah, ouais. Ah deux bah oui, tomes. forcément, Ok. si c'est six numéros géants, ils coupent en deux. Ouais, mais je crois que c'était 6 aussi. Enfin, je sais Cinq. plus, c'est pas grave. 5, 5. bon. Alors ensuite, la suite, c'est pas une nouvelle série, c'est New Burn qui revient au mois de juillet, là aussi. Alors le numéro 9 arrive le 26 juillet, et donc c'est reparti pour un nouvel arc. Donc on en avait pas mal parlé quand on avait fait les débuts, hein, en VO, on avait fait quelques reviews, on était moyennement convaincus. Et puis finalement, la relecture, quand on lit, moi j'ai tout lu d'un bloc quand c'est sorti en VF chez Urban, là, et c'est vrai que c'est. Ça progresse, c'est meilleur vers la fin plutôt que le début, mais c'est quand même une bonne série, donc je vais reprendre en VO. Reprendre la suite. Voilà. Ensuite, celle dont tu n'as pas entendu parler, Mathieu, j'imagine. J'imagine aussi. C'est Anfield Gang Massacre. En fait, c'est That Texas Blood Ok. de Jacob Phillips et Chris Condom. C'est un nouvel arc qui se passe dans le passé au temps du Far West. Donc ils ont changé le nom. Donc c'est pas le nom, mais en fait c'est la même équipe et le même principe. Donc ils reprennent la suite. Donc série qui a été arrêtée en français hein, au bout d'un tome parce que ça n'a pas fonctionné, ce qui est bien dommage. Mais ça reprend donc en août en VO. Alors la date c'est le 9 août pour le numéro 1. Donc ça va être une mini-série qui va se passer dans le passé. Ok. Et enfin pour finir, on a déjà parlé sur Twitch, mais on n'avait pas parlé, nous, je crois, sur Comic Stories. Je ne C'est crois la pas. nouvelle mini-série de Ramvee et son compère. Donc j'ai encore oublié le nom. À chaque fois c'est pareil, j'en Kumar? parle, j'oublie le nom. Kumar? Non, non. Non, Anandarkay? non, pas je trouvais. Philippe et Andrade, voilà, Ah bah merci. oui, mais alors c'était encore un autre. bah oui, c'était. Non, mais j'arrivais pas à retrouver. Donc l'équipe de Lala Star qui revient pour une nouvelle mini-série. Donc là, c'est en août aussi, le 16 août, ça redémarre. Donc moi, tout ça, c'est déjà précommandé. Évidemment. Les yeux fermés, Ouais, disons. évidemment. pareil, pareil, moi. Alors, Kisoka Et nous ça arrive en 6 août précise en que les VF. numéros de Fish Flies feront 56 pages. Ouais, bah voilà. Donc on est sur 350 pages à peu près d'histoire. Donc Futuropolis, tout est habitué pourtant à de gros bouquins parfois, donc ils auraient presque pu le faire d'un coup. Mais bon, je pense qu'on surfe aussi un peu sur Jeff Lemire et sa logique de. Ouais, sûr. Oui, c'est ça, le truc sur la gastronomie indienne, comme tu dis Ouais, très bien, avec Hisoka. un, si j'ai bien compris en plus, hein, sur le truc de Ramvee là, avec un numéro 1 apparemment fait avec du papier spécial ou un truc comme ça. Enfin, j'avais vu un article passer dessus. D'accord, je n'ai pas du tout suivi. Après, il y a le Ashcan Edition, donc c'est peut-être celui-ci qui va être sur Ah, ça doit être un ça. papier. Voilà. Bref. Ouais, enfin, c'est un truc spécial. Je trouvais le Ok. concept assez marrant, original. Du papier cuisson, ça serait très Oui. intéressant. Ah ouais? Non, je sais Alors attends, pas si tu si. nous dis une connerie, Clément, alors que tu es en Non, train de non, nous non. hyper. C'est parce que j'ai lu un article dessus et j'ai vu qu'apparemment ça va être. C'est particulier. Enfin, j'ai vu un truc dessus. Il faudrait que je retrouve l'article. Je crois que c'était sur Comics Oui, Blog. voilà, on va rebosser la news, on en reparle en août, Ouais. hein, ça te va? Je pense que c'est mieux. Ouais, c'est Effectivement. mieux. Non, Clément, Enfin, voilà. c'est une news précise par épisode, elle est déjà passée, donc maintenant c'est bon. Pour Jeff Lemire là, chez Futuropolis, c'est peut-être aussi une histoire de prix là, parce que je vois que bon, les prix augmentent partout. Le premier tome, il sera 22 € pour 160 pages. On peut imaginer qu'ils n'ont pas voulu mettre une intégrale à 30 ou 35 balles. Ça peut être Oui, ça non, aussi, mais je pense qu'ils c'est ont. possible, c'est possible. C'est possible. Et puis ça leur fait quand même, en termes d'exposition, parce que Futuropolis, c'est pas l'éditeur le plus exposé du monde, ça permet d'avoir deux sorties avec Jeff Lemire, sur des intervalles un peu réguliers, et du coup d'avoir deux mises en avant de leur catalogue. Oui, aussi, ouais. Voilà, donc c'est quand même, en termes de com et de business, ça peut être aussi intéressant, parce que bon, bah faut quand même parler un petit peu de l'éditeur, donc. Ça peut être aussi un Et puis choix un peu stratégique comme ça. ça fait 3 et 3 avec mes books, si c'était en 5, coupé en 2, c'est pas évident. Ouais. Et j'ai pas besoin de faire beaucoup de mathématiques pour voir que ça marche pas. Effectivement, Donc mais on c'était avait sans quand même doute besoin de possible. tes éclairages N'est-ce pas? pour ça. Voilà. Plus cher en VO, je ne sais pas quels sont les prix VO des issues de Fish Flies. C'est pas Elle sera marqué très sur chère. le FCBD. Alors moi j'ai ça, je vais vous dire ça tout de Wow. suite. Moi aussi 5, j'ai ça. 5,99. Voilà, Ah ouais. 5,99$. Donc 6 fois 6, 6 fois 3, pardon. 18, ouais, non, ça sera moins cher en VO, mais bon, c'est pas Moins cher en VO, ouais. Après, ça dépend le format. C'est pas Si du c'est cartonné, c'est pas si du. c'est un joli format à la Ouais. Chroma, moi ça me va. Oui, après, je crois que Macbook, c'était un format cartonné, je crois aussi. Le Enfin, un très beau couverture format. cardstock, ouais, Ouais, couverture cardstock. c'était sympa. Très beau format, pardon. Ça peut se justifier, ouais. Mais après, effectivement, potentiellement, c'est moins cher en VO, sachant qu'on est sur du single. Je vais démarrer les chroniques pour une fois. Je Ah. vais démarrer moi-même. Ras-le-bol de démarrer en dernier. Donc aujourd'hui, je me révolte et je commence. Juste pour parler brièvement de deux graphic novels dont j'ai déjà parlé sur Twitch dans mes lives perso. Mais je veux quand même qu'on en parle ici parce que c'est quand même deux trucs assez marquants d'un éditeur dont moi je n'avais encore jamais lu aucun titre. Il s'agit de Bubble, et juste pour vous dire rapidement pour la postérité que Moundir, c'est un truc absolument incroyable de Johan Cavej. Je crois pas que j'en avais parlé dans le précédent épisode, ou alors j'en. Non, je crois. Si, peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, si j'en ai déjà parlé, eh ben j'en Non, reparle, ça me dit rien. parce que c'est vraiment Ça me dit assez rien. fou. Moundir, c'est un graphic novel textless, il n'y a pas de parole, Ah, génial. écrit et dessiné par Johan Cavej. Sur cette petite créature qui parcourt l'espace, poursuivie par une autre créature et qui essaye visiblement de protéger un œuf. Donc on va suivre son périple à travers l'espace, cette espèce de course-poursuite. Ils vont passer par plusieurs mondes, donc graphiquement ça permet à Cavej de mettre en place quelques univers graphiques assez intéressants. Le découpage est fou. On Non est sur mais un c'est truc, magnifique. on est sur un truc très cinématographique dans le découpage et dans les Ouais. plans. Voilà, ceux qui voient le truc en Oh, live le style est sur Twitch, incroyable. vous voyez à quel point c'est beau. Ah ouais, non c'est magnifique. Ça se lit vite parce que c'est textless, mais en même temps, on passe du temps à regarder les planches, à regarder les trucs en arrière-plan, à juste parfois admirer une double page. Je crois que j'en ai, je crois qu'on a Ça une. a l'air d'être une Voilà, des merveille. choses comme ça. Voilà, des découpages comme ça, moi je suis ultra fan avec le décollage du vaisseau. Mais c'est ce que tu dis, c'est enfin là je vois ce que tu montes sur ton live Twitch. C'est hyper cinématographique comme Oui, découpage. le découpage est très Ouais. très très ambitieux et original. J'ai Ah, c'est adoré, c'est un coup de hyper. cœur incroyable. Et c'est encore plus un coup de cœur quand on voit la fin. Et cette fin, c'est un des twists de fin de graphic novel qui m'a, je crois, le plus bluffé depuis très très très longtemps. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait avoir comme ça par un twist de fin, où je me suis dit, oh putain, merde, quoi, quel connard. C'est moi le connard, pas Johan. Je ne me permettrai pas. Hop, je vais enlever ça. Voilà. Donc ça, c'était Moundir, et c'est absolument incroyable. C'est chez Bubble Edition pour une vingtaine d'euros. Et puis, il y a 2 semaines, est sorti Demain la rage de Nicolas Bazin. Les backers, pardon, sur Ulule ont reçu leur exemplaire. J'ai donc reçu le mien. Je crois que c'est aussi dispo en librairie, avec cette couverture-là qui est la couverture A. Demain la rage, pour le pitch, il est très rapide. Damien est un monstre, un homme calme au passé violent et une créature de cauchemar en puissance. Depuis sa mort dans un accident de voiture, un homme mystérieux lui propose un sursis pour sauver sa famille, mais à quel prix? Donc on va suivre le Damien en question, dans l'espèce d'entre-deux entre la vie et la mort. Il a effectivement obtenu un sursis, je ne vous en dirai pas plus de combien de temps, quelles sont les conditions, etc. Ce qui est incroyable ici encore, bah, c'est le style graphique. On est sur du noir et blanc. Nicolas Bazin nous en met plein les yeux. Un découpage qui explose encore tous les codes. Oh là là, ça explose les rétines. C'est ouais, les codes et la rétine. Enfin voilà, il y a plein de trucs hyper. On est dans un entre-deux, entre la vie et la mort sur certains endroits. On C'est est sur des magnifique. mondes parfois un peu. Très SF parfois. Et voilà, en termes de découpage, ça va dans tous les sens. Enfin, ça respecte parfaitement l'ambiance. Et surtout, bah, on va découvrir Damien, on va découvrir pourquoi. Comment il est mort, pourquoi il a eu sursis, quelles sont les vraies raisons de tout ça. Pourquoi on nous dit que c'est un monstre. Et effectivement, c'est une sacrée pourriture, ce type-là. Mais pourtant, voilà, il y a un côté un peu même dérangeant parfois dans la lecture, parce que. parce qu'on suit Damien et que, bah, comme on le suit sans savoir trop ce qui lui est arrivé, on a cette espèce d'empathie pour lui et on découvre plus tard ce qu'il a fait. Et là, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur le fait qu'on ait pu apprécier un type comme ça pendant quelques pages. C'est assez dérangeant, c'est graphiquement incroyable. Moi, je vous le conseille aussi. Voilà, c'est deux graphic novels chez Bubble Edition. Les albums sont bien foutus. Et vous en aurez largement pour votre temps et pour votre argent. Voilà. Ça, c'est dit. On va continuer. Et dans ma pile, là, tout de suite, le premier titre que j'ai sous les yeux, je vais donner la parole à... on a les trois le titre en commun. Boris l'a mis en premier dans sa liste. Donc, ce sera Boris qui ouvrira les hostilités sur Junkyard Joe, numéro 6. Eh bien, allons-y. Donc, dernier épisode de la mini-série qui arrive à l'automne chez Urban. Donc on va conclure cette aventure dans ce dernier épisode qui, alors si on reprend, il était Junkyard Joe, enfin Joe et son créateur, on va dire, étaient poursuivis par d'étranges militaires qui veulent récupérer Joe. Voilà, en gros on était un peu là-dessus, hein, et donc à l'aide de la famille qui habite juste en face de chez lui, ils essayent de s'enfuir. Et donc on va voir un petit peu ce qui leur arrive. Alors je dirais que pour moi c'est sans doute l'épisode le moins surprenant et celui qui m'a moins séduit de la série. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'originalité et de surprise. Voilà, on retrouve cette ambiance, les personnages qui sont toujours bien écrits et auxquels on s'est attaché pendant les 5 premiers numéros. Mais j'ai trouvé que le déroulé de cet épisode était sans surprise, quoi. C'était un peu trop action classique. Même ce qu'on découvre sur le personnage qui serait à l'origine de... y a pas grand-chose d'original, quoi. C'est un peu bateau, on va dire. Mm-hmm. Donc je me suis pas ennuyé, je vais pas dire que c'était mauvais, hein. Mais par rapport à ce que Geoff Johns avait proposé jusqu'à maintenant, c'est un peu en dessous, je trouve, quand même. Et ça fait une conclusion sympathique, mais pas exceptionnelle, quoi. Voilà, okay. Donc j'étais un poil déçu, même si après bon il essaye l'épilogue de nous faire un petit lien avec Geiger. Donc on sent qu'il a envie de partager, voilà, de montrer que son univers est un univers partagé, même si bon tout au long de la mystère on n'a pas vraiment eu de lien avec Geiger. Mais voilà, une conclusion un poil en dessous de ce qu'était la série. Malgré tout la mini-série j'ai quand même préféré, je pense, à Geiger. C'est juste la fin qui m'a un peu déçu. Le reste du temps, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Geiger avait été un peu plus en dents de scie avec des hauts, des bas de façon un peu plus régulière. Donc quand même un au-dessus de Geiger, mais plus ou moins un peu trop classique à mon goût, quoi. Voilà. Okay. Ça manquait de surprise. C'était un peu facile. Voilà, okay. Pour moi. Clément, déçu par le sixième. Je sais pas si le terme de déception c'est ce qui convient, mais j'ai globalement eu le même ressenti que Boris. C'est-à-dire j'ai trouvé le numéro 6 pour le coup assez en dessous par rapport au numéro précédent, et de mémoire le 5 je crois. C'était un peu l'apothéose de la série, je crois. Donc je te confirme bien qu'avant le 6 c'était le 5. Ouais, oui, bah, je me doute. Non, c'était en dessous. Nouvelle info, incroyable. Ouais, t'as vu, c'est incroyable. Non, c'était en dessous. Bon, graphiquement, c'est toujours une dinguerie, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que pour une conclusion, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus peut-être recherché ou original. Je m'attendais pas à un truc, effectivement, comme dit Bruce, aussi bateau. Donc, c'est une petite déception par rapport au numéro 6. Je l'ai refermé, je me dis, bon. Ah, c'était une bonne conclusion, mais je me suis dit, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux. Donc, décevant, même si, hormis ça, d'une façon très générale, je suis comme Boris, j'ai préféré Junkyard Joe à Geiger. J'ai trouvé en beaucoup plus intense, émotionnellement beaucoup plus percutant. Les dessins de Gary Frank sont tout aussi énormes. Donc j'ai préféré, mais c'est vrai que la conclusion laisse une petite déception et l'épilogue j'ai bien aimé l'épilogue, je me suis dit chouette, enfin j'ai envie de voir la suite, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut être assez déçu par ce numéro 6, même si ça n'enlève rien à la qualité de la mini-série qui est vraiment, enfin je sais même pas si c'est une mini-série d'ailleurs, c'est vraiment qui globalement est vraiment incroyable, qui se pour le moment dans le Unnamed se fait de mieux. Enfin, s'est fait de mieux, pardon. Ok. Moi, le 2 et le 3 m'avaient retourné, parce qu'il y avait une charge émotionnelle dans ces numéros, et même dans le 4, qui était assez folle. Effectivement, en termes de conclusion, on est sur quelque chose de plus de classique, voilà, de simple, dont on range les jouets. Maintenant, moi, j'ai apprécié l'ouverture dans l'épilogue, j'ai apprécié voilà, l'épilogue qui nous raccroche sur l'univers partagé The Unnamed. Ça, j'ai apprécié, surtout que si vous lisez bien la lettre de James Jones, il y a un personnage qui fait sa première apparition dans l'univers The Unnamed dans cette petite scène de fin. On le voit juste en silhouette, mais la silhouette peut peut-être nous permettre de deviner qui c'est. Je ne vais évidemment pas spoiler. Gary Frank, c'est toujours incroyable. Techniquement, juste, c'est pas le deuxième histoire, c'est pas le deuxième récit dans l'univers Geiger, c'est le troisième. Parce que, comme je vous l'avais indiqué, on avait des doutes sur cette histoire, The Blizzard, qui était dans l'anthologie Image pour fêter les 30 ans de l'éditeur, qui était découpée en 12 parties par Geoff Johns et Andrea Muti. Il y avait une histoire qui s'appelait The Blizzard, et il y avait plein de petits signaux qui nous faisaient penser que, ah, ce truc c'est un peu. Voilà. Eh ben oui, The Blizzard c'est bien dans l'univers de The Unnamed, et c'était le deuxième récit de The Unnamed en fait. Donc et ça va ressortir du coup en édition collectée au mois d'octobre, les 12 chapitres qui étaient dans l'anthologie anniversaire d'Image. Parce que bah voilà, The Blizzard fait bien partie, c'est confirmé de manière très officielle par cette promo à la fin de l'épisode 6 de Junkyard Joe, que voilà, The Blizzard, ça fait partie de ce qu'on appelle Tales of the Unnamed. J'avais raté ça. Voilà. C'était très sous-entendu, on l'avait compris à partir du numéro 8 ou 9 sur 12 de l'anthologie Image. Ça a été confirmé à la fin de manière très claire. Maintenant, la promo est lancée et au mois d'octobre, il y aura le graphic novel avec juste les chapitres The Blizzard pour ceux qui veulent pas récupérer les back issues de Image Anthology. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? On nous dit j'ai lu les 6 épisodes d'une traite et j'ai trouvé ça plaisant mais pas extraordinaire. C'est Isoka qui dit ça et qui nous rappelle qu'on attend toujours Redcoat qui était annoncé pour décembre 2022. Moi, je suis moins C'est vrai. impatient parce que c'est dessiné par Brian Hitch, donc à la rigueur, Ouais. on peut attendre un peu. Hein. C'est pas faux. Graphiquement, toujours aussi ciselé, nous dit Xav. J'ai bien aimé l'insertion de la BD, le comic strip. Ah oui, c'est vrai, c'est excellent. À l'instar de Billy Bat, et effectivement, C'est excellent. c'est un des points forts. Ouais. Bah voilà, Junkyard Joe c'est fini. Junkyard Joe reviendra, on nous le dit à la fin de l'épisode. C'était la fin du premier arc, ou alors peut-être qu'ils vont se recroiser plus tard. Geiger nous a annoncé une suite, entre guillemets, donc on en sait un peu plus sur cette suite d'ailleurs, ce sera deux numéros. Ce sera deux numéros et ça nous racontera les premiers pas de Tarik Geiger dans l'univers après l'explosion D'accord. qu'on a au tout début du numéro 1 de Geiger. Donc en fait, on va voir juste. Ça sera pas une suite à la série qu'on a lue, mais ça sera plutôt un préquel avec deux épisodes, une histoire en deux parties qui nous racontera bah, les débuts de Tarik Geiger dans ce monde-là, donc sans doute comment il découvre ses nouvelles facultés, comment il découvre l'état du monde, etc. Puisque c'est vrai que dans Geiger, on a un gap de temps où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, bah, ça va nous être raconté là. Voilà. Si on continue et qu'on prend comment s'appelle, le conducteur, Clément, on va rester sur Image et on va parler de ça, de Phantom Road. Tu vas nous parler des deux premiers numéros et puis après, Boris pourra parler du numéro 3. Ouais. J'ai enfin, parce qu'on en avait déjà parlé, je crois. Oui. Je me suis enfin laissé tenter par ces deux premiers numéros, parce que quand même Jeff Lemire, puis comme je commence à voir que les reviews étaient, enfin les avis étaient plutôt positifs sur cette, je me dis mince, je vais quand même aller découvrir ça. Et bah effectivement, c'est très bon. Oui, c'est très bon. Enfin là, je retrouve le style de Lemire, la patte de Lemire au scénario que j'aime bien, mais c'est deux numéros. Qui pose les bases d'une histoire qui s'annonce assez intéressante. J'adore ce qui est proposé en termes de scénario. Je trouve que les dessins de Gabriel Hedge-Walta et à la colorisation, je crois que c'est Jordi Belair, fonctionnent très bien. C'est vraiment Non, franchement, c'est hyper efficace. Ça se lit assez rapidement. Mais c'est hyper efficace. Du coup, moi, je m'en suis arrêté pour mon numéro 2. Ça annonce des choses intéressantes. On est sur un truc assez. J'ai l'impression qu'on va partir sur une histoire qui va être assez nerveuse. Ça va pas forcément prendre son temps pour raconter des trucs. On est vraiment sur. Je sais plus comment on appelle ça. Bah là, je peux pas Un t'aider hein, road parce que. trip. Ah! Non, mais Alors. sur un style, ça m'a fait penser à un style de film. Road trip, je crois. Oui, un road J'ai un movie, un trou de road mémoire. trip, oui. Road movie, ouais. Ça me fait penser à un aspect road movie et vraiment, c'est. Non, c'est hyper efficace, c'est super bien réussi. Voilà, enfin. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Ça faisait longtemps que j'avais pas accroché comme ça dès les premiers numéros à du comics indé. Et même d'ailleurs auprès du Jeff Lemire. C'est vrai que Jeff Lemire fait tellement de choses que parfois c'est des vraies déceptions, mais là c'est très réussi. Pour ces deux premiers numéros, c'est vraiment une réussite. Ok, est-ce que ça continue au 3, Boris? Tout à fait. Alors je vais pas trop en dire parce que si vous êtes Moi j'ai au 2. arrêté, hein. J'ai arrêté au 1, donc peu importe. D'accord. Dans le 3, on change un peu de point de vue. Voilà, les deux personnages qu'on a suivis. Dans les deux premiers épisodes, on les retrouve pas. On va suivre une agente du FBI qui vient enquêter justement sur cette affaire. Et on va découvrir que elle a peut-être des liens elle aussi avec tout ce monde étrange, ce double univers, on va dire. Franchement, c'est peut-être l'épisode que j'ai préféré. Il y a un vrai côté polar dans ce troisième épisode. Donc non, ça continue. Moi j'avais bien aimé aussi les deux premiers et le troisième est au moins aussi bon, voire meilleur. Donc c'est une série qui m'accroche bien. Et puis au dessin, Gabriel Walta, ça le fait très bien. Je trouve que son style convient très bien à l'univers qui est proposé là. Donc non, moi aussi j'étais un peu méfiant par rapport à l'émir, parce que les dernières productions étaient un peu en dessous. Et là, franchement, j'ai bien accroché. Je pense que ça, on verra où il va nous emmener et ce que ça va donner au final, mais pour l'instant, c'est un bon début. Ok. Et Hisoka toi, confirme, il en est au numéro 4 et trouve ça de mieux en mieux. Je suis immergé dans l'ambiance proposée. Et puis Xav nous mentionne l'univers brumeux, inquiétant. Moi j'ai arrêté au numéro 1 parce qu'il n'y avait pas assez pour moi pour que je continue. On est dans une période où il y a une centaine de nouveaux numéros 1 tous les mois. Et j'ai pas le temps d'attendre 3 numéros pour que ça me donne envie de continuer en fait. Et il y a assez peu de séries comme ça à qui je donne la chance. Allez, je dis, allez, je vais aller 2 ou 3 numéros. Là, le numéro 1, je me suis dit, bon, allez, classique, ça va être un Lémire, un Ok Lémire. Donc ça sera du TP pour moi. Vos avis sur la suite, ça m'encourage plutôt à aller prendre ce TP, effectivement, parce que je surveille de près vos avis. Pour le moment, je suis sur un ouais, je vais prendre ça en TPB, et puis voilà. Mais sur la base du numéro 1, j'avais clairement pas assez pour continuer. Il n'y avait rien qui me disait ça va être super original, il va y avoir un twist, un truc à un moment. Je voyais le truc assez linéaire, je me suis dit bon, allez, passe, et puis on prendra ça en ouais. TP. Et bah, C'est je vrai que prends. c'est pas extrêmement original, effectivement. Après, c'est du bon Lemire, c'est bien C'est écrit, ça. ça se tient très bien. Et effectivement, moi j'ai lu les deux premiers à la suite puisque je les avais C'est accumulés. pareil. Donc Ça peut-être marche que très bien les deux à la suite. voilà, l'impression que tu as eue n'a peut-être pas eu lieu sur Je nous parce pense. qu'on a lu les deux premiers à la suite quand même. C'est vrai que si tu lis le premier numéro, effectivement, je comprends. Tu peux te dire, ouais, pas grand-chose. Mais c'est vrai que quand. Moi, j'ai lu les deux numéros hier soir, je crois. Ça marche super bien quand tu lis les deux numéros. Donc après, ça peut peut-être aussi effectivement vouloir dire que le format TPB va peut-être être plus satisfaisant par rapport à ça. Mais c'est vrai que le premier numéro en soi pose pas vraiment les choses. C'est vraiment le deuxième numéro où là, ça te pose des choses qui sont, qui... ça te commence vraiment à poser le truc. Et c'est ça où. Si Sentient avait été découpé en 6 singles, c'est la même équipe, hein, Lemire et Hernandez Walta, si Sentient avait découpé en 6 épisodes, à la fin du premier épisode, je continuais pas non plus. Hein. Ouais. Je suis allé au bout parce que j'avais le graphic novel de Takeo en main, et que bah voilà, j'ai lu le graphic novel jusqu'au bout. Mais si je m'étais arrêté à ce qui correspond au premier single, j'allais pas au bout non plus en single et j'attendais Ouais. peut-être la sortie en relié. Du coup, c'est la deuxième fois que le duo nous fait un peu ce Ah, petit coup-là. ouais. Faites des graphic novels directement, les gars. C'est peut-être le problème d'ailleurs de l'émir. C'est qu'il y a des récits qui conviendraient plus à du graphic novel qu'à du enfin qu'un des récits découpés en single. En général, j'aime bien ces numéros 1, pourtant. C'est le cas de Little Monsters, hein. Moi, j'avais pas. Même délire, ouais. J'ai arrêté après le 1 et puis j'ai lu tout d'un bloc dans la VF d'Urban et j'ai Pareil. franchement bien accroché alors que le numéro 1 m'avait Bah, fait arrêter parce ouais, qu'il n'y avait pas non, grand-chose, quoi. pour le coup, ouais, Little Monster, je l'ai lu aussi. J'ai eu du mal à accrocher. Et en fait, ça décolle vraiment peut-être à partir du 3, 4, 5. 3, 4, trième chapitre. Et c'est vrai que le TPB fonctionnait bien. Fonctionne bien. Mais c'est vrai que si tu prenais Little Monster, là, pour le coup, si je compare par rapport à Phantom Road, j'aurais pas du tout accroché. Mais alors, vraiment pas. C'est peut-être pour ça aussi que tout à l'heure on en parlait. Ces productions, quand il est tout seul, là, les dernières qu'il a sorties, c'est des épisodes de 56 épisodes, 56 pages, pardon. Et donc on en a plus à manger, si je puis dire. Donc Ouais, c'est sans doute c'est vrai aussi, même si les histoires racontées sont différentes, évidemment. Mais il y a aussi cette histoire de quantité, hein, de que. densité, ce qu'on peut avoir dans un épisode, quoi. Il y a une Ouais, c'est discussion vrai. intéressante dans le chat. Bon, Hisoka nous dit que chaque numéro apporte un élément supplémentaire de l'intrigue. Et apparemment, Ouais. ça a l'air d'être effectivement le cas, surtout avec ce numéro 3 dont nous parle Boris. Xav nous dit, j'aime bien quand l'histoire prend son temps, un peu comme au cinéma, les films un peu contemplatifs. Je suis d'accord, mais J'aime pas bien. sur les histoires fantastiques comme ça. Sur des Ouais. histoires où on part dans un délire un peu fantastique. Ouais. J'aime bien ça sur d'autres respects. Bah, si on parle de l'émir, par exemple, son Macbook, ça me gêne pas que ça prenne son temps et que ce Pareil. soit contemplatif et Pareil. que. Parce que c'est ce que je m'attends à lire de lui quand il est tout seul. Ou même Royal City, Royal qui prend City, beaucoup de son Macbook, temps Trillium, et. tout ce qu'il a fait tout seul, tu t'attends à ce genre de truc où ça prend son temps, où on est sur une ambiance un peu plus ancrée dans la réalité, ou quoique Ouais. Macbook, pas tant que ça, même si, un peu plus ancrée dans la réalité, dans la psyché des Ouais, personnages. ouais. On va être sur un truc un peu plus dramatique, entre C'est guillemets, ça. et là, du coup, ça me gêne pas parce que je le sais d'entrée. Et comme dit Hisoka, effectivement, ça marche quand même moins bien pour du feuilletonnant. Parce que là, on C'est est censé ça. avoir le cliffhanger à la fin, Parce que etc. On est sur une construction tu. spéciale. Ouais, parce que tu prenais par exemple, après ça date, hein, puisqu'on parle de l'émir, tu prenais par exemple Descender, quand le numéro 1 était sorti. Moi, j'ai souvenir que ça m'avait accroché d'emblée parce que ça posait les bases. Que c'était vraiment, il y avait un truc qui accrochait vraiment. Bon, qu'on n'a pas retrouvé forcément dans Ascender, puisque c'était dans le même univers, mais tu prenais Descender le 1, pour un numéro 1 de l'émir, c'était ultra percutant, ça proposait direct quelque chose, ça posait des bases super intéressantes, et ça s'est profilé par la suite, et parce qu'on était du coup sur Descender, sur quelque chose qui prenait quand même son temps et qui a duré peut-être 2-3 ans, je crois, en publication. Mais ça marchait très bien, parce que le numéro 1 et les premiers numéros posaient des bases. Ce Et il y qui avait aussi quand même le casting, quoi. Le Oui. team, tu t'y Ouais, attaches tout c'est de suite ça. et t'as envie de le suivre, C'est même si ça. on te raconte pas trop de trucs dans un épisode. Là, C'est ça. les deux personnages du Ouais, numéro 1, c'est vrai. bon. Ça, tu t'attaches pas trop. Ou tu prends en production seulement l'émir. Tu prenais par exemple Royal City, qui est à mon sens sans doute un, si ce n'est le titre le plus intimiste qu'il ait fait. Tu t'attaches d'emblée au personnage. Tu sens qu'il y a des trucs derrière des personnages qu'on va être effectivement sur la psyché. Donc ça gêne pas quand ça. Quand ça s'attarde. Mais là, c'est vrai que je comprends. Sur Phantom Road, c'est vrai qu'on a deux personnages. Bah, honnêtement, c'est vrai que moi, je m'y suis pas attaché. Je me suis dit, c'était plus l'histoire qui m'a intéressé, plutôt que le personnage, qui me semble plus prétexte pour l'histoire qu'autre chose. Ce qui n'est Bon, pas le cas dans toutes les œuvres. de toute façon, j'en reparlerai quand sortira le prochain, et puis on verra bien. Le voyage est plus important que la destination, nous dit Xav. C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai. On continue. Alors, on continue. J'ai donné la parole à qui? Là, j'ai donné à Clément puis à Boris. Donc, Boris, allez, Parker Girls numéro 7. C'est pour toi. C'est le moment Terry Moore du Oui, podcast. tout à fait. Eh bien, ça continue. Je vais être assez rapide hein, parce que bon, la série continue sur sa lancée. Toujours de Terry Moore, donc. On est toujours dans la même intrigue avec. Comment s'appelle-t-elle? Kachou qui a été enlevée et qui est séquestrée. Et donc, toute la bande des Parker Girls va essayer de la délivrer. C'est un très bon épisode. franchement, il y a tout ce qu'il faut. Un peu d'action, un peu d'humour, pas mal de tension et d'émotion. Enfin, c'est un des meilleurs épisodes que j'ai trouvé depuis le début. Ça fonctionne très bien. Et bah, l'intrigue, comme d'habitude, avance toujours un petit peu lentement, hein. Ça, j'en ai déjà parlé quand je chronique Terry Moore en single, c'est toujours un petit peu lent. Mais non, là, ça fonctionne bien. C'est l'intrigue se poursuit. Et puis au niveau des dessins, c'est toujours pour qui aime Terry Moore, c'est toujours excellent. Il n'y a pas de défaut, pas de points faibles. Donc une série qui continue. Alors si j'ai bien compris, c'est en 10, donc ça va pas tarder à s'achever. Mais non, là, pour l'instant, c'est une excellente série qui, une fois collectée, perdra un petit peu ce caractère. Un peu lent et sera sans doute dans un des tops de Terry Moore. Ok. Donc une série qui continue toujours aussi bien. J'attends le 8, je sais pas, il devait être sorti, je l'ai pas reçu, je suis un peu inquiet. On Ça verra bien. prend souvent du retard, hein, cette série depuis le début, donc. Ouais, mais bon, je sais pas, on verra. Comme déjà ils avaient perdu, enfin c'est pas eux, Non, c'est pas eux. la Poste avait perdu mon colis. Ah, je me dis, je suis un peu maudit peut-être, Peut-être. donc. À voir, mais c'est vrai que c'est une série où qui des fois a un peu de retard, donc bon, ça devrait aller parce que bon, on verra bien. Mais sinon, non, je conseille toujours. Alors, évidemment, faut être un peu amateur du scénariste, de l'artiste, mais c'est une série solide. Et j'arrive plus à trouver le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc, voilà, c'est un bon cru. Voilà, dans les D'accord. terrimons. Ça y est, j'ai trouvé. Impeccable. Donc, très bien. Je vais donc reprendre et poursuivre par un petit souvenir de Paris Fan Festival, une discussion que j'ai eue quand j'ai passé un moment avec Alvaro Martinez, qui me parlait bon, de la suite de Nice House, mais ça on en parlera plus tard, hein, c'est pas le moment, mais qui me parlait du nouveau projet de Tynion en me disant, oh, écoute, j'ai lu le numéro 2, j'ai lu le premier numéro, j'ai vu un peu le script pour la suite et tout, donc c'était 2 mois avant la sortie. Je ne veux plus me trouver seul dans une pièce avec ce mec, il est complètement taré. Et puis il m'avait raconté un petit peu voilà, ce qui se passait dans le numéro 1, mais tant que je l'avais pas lu, bon. Du coup, je l'ai reçu, je l'ai lu, le numéro 1 de. On parle de World Tree, son nouveau récit avec. Comment s'appelle ce. Fernando Blanco. Donc je savais hein, ce qui se passait dans ce numéro, du coup, puisque Alvaro Martinez m'avait un petit peu spoiler le contenu, ce qui m'avait pas dérangé. Maintenant, je l'ai lu de mes propres yeux, et effectivement, James Tynion Ford est cinglé. Il se passe des trucs dans sa tête. C'est assez effrayant. Là, on est dans un récit de science-fiction, a priori, purement horrifique, enfin de l'horreur psychologique, de l'horreur visuelle, graphique et tout ça, on est dans la ligne de ce qu'il a pu nous faire sur, en termes de lancement de série, Something is Killing the Children. Le numéro 1 m'avait marqué à peu près de la même manière. Je m'étais dit, wow, ok, ce type est un peu fou, ok, mais ça a l'air super bien. Je veux lire la suite. Là, ce type est encore plus fou. Je pense qu'il a vécu des trucs récemment. Ils l'ont fait un peu briller pour qu'il raconte ça. Mais j'ai autant envie de lire la suite qu'à l'époque de Something. Graphiquement, ça marche très bien. Alors j'ai juste un petit problème avec le contenu du numéro, c'est que la personne qu'on voit en couverture est la plupart du temps complètement nue dans l'épisode. On est sur Twitch, donc je vais tourner les pages avec précaution pour pas voilà, hein, pas avoir de problème, parce qu'il y a vraiment des pages full frontal en pleine page, donc je fais attention à ce que je montre. Voilà, cette double page-là, elle vous résume un peu le délire. Oula. On est sur ce qui s'appelle l'Undernet, donc l'Undernet, un peu un équivalent du dark web dans cet univers-là, hein, je pense, mais sauf que cet Undernet, on comprend assez rapidement que. Il est doté de capacités. On est entre un Undernet un peu à la Mindset, le récit de Zach Kaplan, et un réseau Internet qui serait capable de penser par lui-même, d'insinuer des trucs. Enfin, c'est pas très clair encore, mais en tout cas, ça déclenche des trucs très sanglants, des bains de sang. Des personnes sont sous influence de ce truc-là. Je suis à la fois cryptique pour pas spoiler, et en même temps, dans le numéro 1, on ne sait pas encore forcément tout ce que j'avais eu comme info avant, donc... bon. En tout cas, il y a un gamin qui va tuer 60 personnes. Comme ça. Ok, d'accord. Au couteau, dans un quartier, il va aller de maison en maison, et il va buter, au couteau, 60 personnes. Un peu zombifié par cette histoire, par cet undernet, par quelque chose qui semble manipulé, on sait pas trop. Et puis on va rencontrer surtout Ellison, qui est son grand frère, qui est sur la route pour aller justement retrouver son petit frère. Ça fait un petit moment qu'il l'a pas vu, etc. Donc il est content, il va lui présenter sa copine. Sauf que sur la route, la copine en question va sur le compte Instagram du gamin et tombe sur les news, etc. et découvre ce qu'il a fait la matinée même. Et du coup, bah, le voyage change complètement pour eux. Ils ne vont plus voir le petit frère d'Ellison à la maison pour passer un bon moment. Ils vont voir le petit frère d'Ellison au commissariat et essayer de comprendre ce qui lui a pu lui passer par la tête pour buter 60 personnes au couteau comme ça dans un quartier, son quartier a priori même. Voilà. L'Undernet est ultra mystérieux, l'organisation derrière tout ça est ultra mystérieuse, cette personne est ultra mystérieuse, celle qu'on voit en couverture, mystérieuse et complètement dérangeante et flippante. Le twist final est... Wow, ok. On tient sans doute le Something is Killing the Children pour adultes, avec ce numéro 1. Voilà, donc assez incroyable. Ça faisait longtemps que Tanyon Form n'avait pas fait bugger comme ça sur un numéro 1. Ces derniers numéros 1 n'étaient pas forcément incroyables. Là, ça y est, il est revenu en forme le pépère et je pense qu'on n'a pas fini d'être effrayé par ce personnage. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Non, non, okay. Parce que j'ai loupé le coche et pour retrouver, pour le moment je regardais, c'est pas trop dispo en préco. Non, bah c'était sold out le numéro 1. Ouais, c'est pour ça. Il y a un second print qui arrive en même temps que la sortie. Déjà, ouais, mais les précos sont pour le moment terminés. Donc il y aura sans doute un third print. Bah, il y en a un, mais aussi les précommandes sont clôturées aussi. D'accord, bon, bah peut-être donc, en TP. Ouais, je pense que je vais me limiter attendre le TP, mais ça donne envie, effectivement. Voilà. Aller à partir sur d'excellentes bases. C'est un sacré délire, ce truc-là. J'ai hâte d'avoir le numéro 2 dans la main. Voilà. Ça s'appelle World 3. On continue avec allez, Clément, parce que c'est toi qui as la plus longue liste, évidemment. On va parler d'un truc que tu découvres après tout le monde, mais en même temps, c'est le moment ou jamais pour le découvrir. On en a assez peu parlé sur Comic Stories et sur nos comptes perso avec Boris, sur un tout petit truc pas très connu, ça s'appelle Do a Power Bomb. Ouais, c'est un truc pas très connu, apparemment. Ça vient de sortir chez Urban, c'est Daniel Warren Johnson. Ça fait un an qu'on crie au chef-d'œuvre, un peu plus même maintenant avec Boris. Enfin, le monde des francophones peuvent le découvrir. Et enfin, Clément a pu le découvrir. Ouais. Enfin, ouais. Comme tu dis. Et alors, suspense. Est-ce que j'ai aimé ou pas? Bah, t'as intérêt. Évidemment que oui. C'est effectivement, c'est un chef-d'œuvre. Tu l'as terminé, ça y est? Je l'ai lu j'ai dû le lire en 2 jours. D'accord. À peine. Enfin, en essayant de prendre mon temps, mais bon, en réalité, j'avais essayé de le finir pour enregistrer le podcast qu'on était à la base la semaine dernière, mais je l'ai terminé et c'est une dinguerie sur tous les plans. Enfin, au niveau des dessins, c'est incroyable, c'est monstrueux. Quand bien même le catch est pour moi quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Pareil. Mais les planches sont incroyables et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'histoire. Parce qu'honnêtement, j'avais eu le truc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Même si j'avais cru comprendre qu'il y avait une dimension de fantastique. Et à la fois, j'ai été surpris par la façon dont la dimension fantastique a été amenée, et surtout par le fond du propos. qui est plus fin, plus subtil à ce à quoi je m'y attendais. Et j'ai trouvé ça très touchant et super bien écrit. Parce que la manière dont c'est amené, c'est génial. Et en fait, je crois que c'est dès le premier chapitre, dès la fin du premier chapitre, enfin, t'as une révélation qui fait OK, d'accord, j'ai envie de lire la suite. Et c'est incroyablement fort. Et même la fin, même la conclusion de cette œuvre-là, enfin, c'est très fort. C'est une réussite en tout point. Et ça m'a, enfin ouais, ça m'a bluffé. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça sur une œuvre qui se lit en un seul tome. Quand même le souligner parce que c'est vrai que des fois il y a pas mal de choses qui sont de l'ongoing ou tu dois lire en plusieurs tomes. Là non, tu sais que c'est en un tome et ça marche du feu de Dieu quoi. C'est une réussite, mais dans tous les points, l'écriture de Daniel Warren Johnson est incroyable, les dessins aussi. Enfin c'est un bijou. C'est un bijou. Alors, faudra m'expliquer un truc parce que je crois qu'Eisner s'est nommé, mais j'arrive pas du tout à comprendre pourquoi nommé si je dis pas de bêtises, dans la catégorie. Jeunes adultes, c'est adolescents Ouais, plus, enfin je voilà, comprends young, pas. ça, c'est ce qui correspond au young adulte en littérature, en roman, D'accord. cette catégorie-là. Ça peut se comprendre parce que c'est le récit initiatique aussi de cette gamine, de Lona, Ouais, d'accord. qui va marcher sur les pas de son père, à la recherche de la mémoire de sa mère Ouais, aussi. Enfin voilà, ouais. il y a aussi le récit initiatique de cette gamine-là. Ouais, d'accord, ça C'est je assez comprends. surprenant, effectivement. J'aurais pas forcément mis dans cette catégorie-là, mais ça Moi non peut plus. se comprendre. Ça Oh peut, oui, ça voilà. peut se comprendre, mais c'est Mais vrai ça que aurait mérité une c'est. meilleure exposition que cette catégorie qui est, on va pas se Je mentir, trouve. un peu plus secondaire. Complètement, complètement. Moi, pour moi, ça. Enfin, ça méritait clairement. Enfin, meilleure nouvelle série ou. Voilà, meilleur Meilleure album, série quoi. limitée, meilleure série limitée, ouais. Meilleure série limitée, ouais, pour moi. Jeunesse, je dis ok. Même si honnêtement, je suis pas sûr que dans le lecteur, enfin, ça va être forcément le public cible. Voilà, enfin, c'est une vraie réussite. Puis, bon, après, je sais qu'il y a eu la couverture choisie par Urban a été assez décriée. Bon, ça c'est un autre délire, ouais. C'est vrai que ça rend pas. Je pense que ça ne rend pas hommage. Enfin, ça rend pas forcément service à l'œuvre. Mais. En dehors de ça, c'est une réussite sur tous les points. Alors cette Donc fameuse c'est parfait. cover en couleur, effectivement, moi j'arrive pas à la défendre. Par contre en noir et blanc j'y arrive. Parce que Ouais, en noir et les blanc, ouais. éditions noir et blanc d'Urban sont toujours voilà, des partis pris aussi. Les covers sont rarement celles qu'on a l'habitude de voir. Donc elle marche bien cette couverture en noir et blanc. En couleur c'est plus délicat carrément. C'est Il y avait ça. des trucs bien plus iconiques. Après voilà, la nomination aux Eisner c'est aussi un moyen de la part du jury entre guillemets de s'assurer qu'ils en obtiennent bien un. Dans une catégorie où la concurrence, bon, a priori, il n'y a aucune raison que Duo Powerbomb ne le remporte pas dans cette catégorie-là. Et puis, ça envoie le message aux jeunes lecteurs, aux ados, aux jeunes adultes, bah voilà, vous avez ce récit-là qui existe et qui traite aussi de questions comme le deuil et des choses comme ça. Donc, ça peut-être vous accompagner sous prétexte de grands spectacles de catch et compagnie. Vous avez quand même quelque chose. Dans le registre du deuil et tout ça qui peut vous parler. Complètement. Donc voilà, pourquoi pas. Hop, je le mets derrière moi. Et on enchaîne avec Boris, qui va nous parler, quant à lui, de The Great British Bump Off. Revenons à la pâtisserie. Voilà. Donc c'est John Allison, Maxarine. Donc j'avais déjà parlé du premier lors de sa sortie. Donc c'est un mélange de show TV autour de la cuisine et d'enquête policière, puisque un des participants a été assassiné par quelqu'un. Et donc la jeune héroïne que l'on suit, et dont j'ai oublié le nom, évidemment. Shona. Comment tu as dit? Shona. Shona, oui, tout à fait. Continue C'est elle. tout en essayant de participer. Au concours, bah c'est toujours aussi fun, hein. C'est à la fois drôle, c'est plein de réparties et d'humour qui fonctionne très bien, plein d'ironie. Et puis bon, l'enquête avance doucement, hein, soyons honnêtes, hein, c'est pas l'essentiel de la série. Donc et puis Max Arine au dessin, c'est toujours excellent, hein, elle maîtrise tout à fait le caractère humoristique et ironique du scénario et de l'ambiance. Donc non, je prends toujours plaisir à lire. Alors moi j'ai toujours un petit, pas un souci, mais c'est que bon, comme c'est prévu en 4 évidemment, en termes de voilà de densité et de d'importance par rapport à Giant Days évidemment dessous, mais voilà, on aimerait que ça soit une histoire plus longue, plus dense, qui dure quoi sur la longueur. Là en 4 ça va être un peu court, mais sinon c'est toujours un plaisir à lire à chaque épisode, même si ça avance relativement doucement quand même. Je pense que l'intrigue policière finalement ne va pas être si importante que ça. Ça va être plutôt l'ambiance, l'humour et les différents personnages croqués par John Allison qui vont rester en mémoire. Rappelle-toi de Wicked Things qui était sorti chez Boom, cette série en 6 qui était pareil, une enquête voilà, où, au départ, bon. Et l'enquête s'accélère vachement dans la deuxième moitié et on la boucle quand même, hein, au final, cette enquête. Donc, moi bon. J'ai le numéro 3 sous les yeux, je l'ai encore pas lu, mais je serais pas surpris que la partie enquête décolle vraiment dans le numéro 3 et 4 et le rythme va s'accélérer. C'est pas impossible. Puisqu'on est sur John Allison et Max Sarin et compagnie, évidemment tu as mentionné Giant Days parce qu'on ne peut pas s'empêcher de mentionner Giant Days. Est-ce que tu as vu passer ce teasing? Oui, un petit teasing sur John Allison. Et qu'est-ce que tu en as compris? Pas grand chose. J'allais sans doute pouvoir relire du Giant Days. Ah, moi j'en ai compris. J'en ai compris autre chose. Parce que ce visuel, il est quand même assez iconique. Il nous rappelle à tous quelque chose, ce visuel qui a été posté sur Twitter, sur Instagram, Twitter, j'imagine aussi. Il nous fait penser à un truc de notre enfance. On peut pas s'empêcher de penser à Batman The Animated Series parce qu'ils sont sur le toit, comme sur le toit de Gotham, etc. Et peut-être que ce qui nous tease, c'est peut-être juste une version animée de Giant Days. Oh. Ah. Du coup. Ouais, où il y a marqué GD, puis il y a une croix avec un B à côté, non? Je sais pas, ouais, j'en sais rien. J'arrive pas à trouver. Ou alors. Le compte de qui tu as dit? Ou alors GDXB. John Allison. GDXB, le X en anglais. Crossover. C'est le crossover avec Batman? Tu crois? Que je comprendrais pas, hein, clairement. Le crossover avec Batman. Ce serait assez original. Mais... Je comprendrais pas. Mais voilà. Bon, après, c'est peut-être juste un teasing pour nous faire courir et pour nous. Voilà. Mais moi, j'y ai plus vu un truc autour de l'animation, vu le style et ce que ça évoque, la référence, qu'autour d'une nouvelle série. Ou alors, il part dans un délire total de. Après tout, Batman a rencontré les Tortues Ninja et les Power Rangers. Donc pourquoi il rencontrerait pas Esther et compagnie? Oui, ça pourrait le faire. Hein. Bon. Effectivement. Et je sais pas. Hein. À voir, mais. Tout ce qui touche à Giant Days, de toute façon, est source d'excitation. Exactement. Donc, exactement. Il faudrait vraiment que je daigne le lire. Bon, ok. T'as fini par lire Duo Power Bomb, tu finiras par arriver à lire Giant Days. Oui, exactement. Continuons avec Clément, justement. Green Arrow numéro 2, Joshua Williamson, Sean Isaacs, qui signe les dessins et la couverture de ce numéro 2, numéro 1 qui m'avait beaucoup plu. Est-ce que le numéro 2 est cool? Alors, le numéro 1 m'avait beaucoup plu aussi. J'avais accroché, ça trouvait. Pour le coup, c'était très efficace pour poser les bases. T'avais la Green Arrow Family. T'avais, voilà, des bases certaines. En plus, ça fait longtemps moi, que j'avais pas lu du Green Arrow. Même si je crois qu'on en avait parlé, que le run précédent était plutôt très bon, je crois. Enfin, bon, de ce que vous m'aviez dit. Ah oui, moi j'ai bien aimé Ben Percy. Ouais, je connais pas du tout. Donc du coup, ça faisait longtemps que j'étais pas venu, mais là, Williamson, je me dis, bon, ça peut être bien, le premier numéro bien. Et le deuxième numéro, bah, j'ai passé une super bonne lecture, dynamique, on avance dans l'histoire. Je suis curieux de voir où va nous amener Williamson, parce que pour le moment, il a un parti pris qui est, voilà, je spoilerai pas, mais par rapport notamment au personnage d'Oliver Green Arrow, mais... Il a fait des choix, enfin c'est. Je suis assez évasif parce que j'ai pas trop envie de spoiler. Mais c'est efficace, ça donne envie de lire la suite. Pour le coup, c'est assez lié à. C'est sans doute un des seuls titres d'ailleurs, je trouve, qui est lié de près ou de loin à la crisis. Où il y a un impact direct de la crisis. Franchement, c'est efficace, les dessins sont excellents. Très curieux de voir où ça va nous amener. Et je mets toujours une pièce que ça va. Je crois que la série a annoncé pour être limitée en 12. À mon avis, on est parti pour que ça soit une ongoing. Ouais, J'ai un c'est peu du mal à possible, croire. c'est possible. Mais c'est efficace. C'est efficace. Moi, j'ai envie de lire la suite. En tout cas, heureusement que Williamson référence sa propre Ouais. Crisis. Si lui Effectivement. ne le fait pas. Ouais, complètement. Boris, t'as lu le numéro 2, tu partages le Oui. fait que c'est sympa? Oui, c'est sympa, c'est le mot. C'est-à-dire que c'est pas un coup de cœur, mais c'est suffisamment intrigant. Il y a des choses. Alors j'ai un peu de retard moi sur la crise précédente. Je suis en train de la lire parce que le gros tome d'Urban avec tous les épisodes en plus, tout ça, ça m'avait un peu refroidi. Et finalement, je crois que je vais me concentrer juste sur la mini. Comprends, ouais. Ça suffira largement. Donc je rattrape ça et sans doute que je vais comprendre deux trois trucs que je saisis pas forcément dans l'épisode. Mais non, c'est déjà au niveau des dessins, je trouve que ça le fait carrément. J'aime bien ce qu'il fait, le fameux Isaacson. Ouais. Et puis bah c'est oui, c'est solide, il y a de l'action, il y a du mystère, on se demande un peu ce qui lui arrive à ce brave Green Arrow, parce que voilà, on se demande un peu où il est, ce qui se passe. Il utilise bien les personnages du cast autour là. Donc non non, une bonne série, sympa à suivre. Effectivement, je pense que si on lui laisse un peu les mains libres et qu'il a plus que 6 épisodes ou même 12, il peut arriver à construire quelque chose de vraiment intéressant. On se souvient ce qu'il a fait sur Flash, c'était quand même solide pour un bon paquet d'épisodes. Donc si on lui laisse un peu les mains libres et que la série fonctionne, parce que c'est de toute façon ça qui en général détermine la longue vie d'une série, je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment... Vraiment sympa, et puis c'est quand même un personnage souvent maltraité, on va dire. Complètement. Donc, si il pouvait nous permettre d'avoir un run solide, un peu long, de qualité, ça pourrait être bien sympa. Pour l'instant, c'est agréable. Donc, c'est un bon mix, c'est une bonne série de super-héros, quoi. Ok, parfait. On va continuer et on va peut-être accélérer un poil le rythme. Tu disais que Joshua Williamson référençait la crise et que c'était peut-être le seul. Je pense que tu as oublié au moins deux séries qui le font aussi, parce qu'on a un autre qui joue le jeu, c'est Tom Taylor. C'est vrai, non, t'as raison. Et on va parler du diptyque, parce que pour moi, on est sur un diptyque. Nightwing 104, Titans numéro 1. Nightwing 104, Tom Taylor, C.S. Pacat et Travis Moore. Titan numéro 1, Tom Taylor et Nicolas Scott. Le 104 de Nightwing conclut l'arc qui a commencé au numéro 100 avec ce chouette costume. Vous découvrirez pourquoi il a ce chouette costume en lisant cet arc qui se termine. On conclut l'arc avec du coup entre autres Néron, mais surtout les Titans qui sont la nouvelle grande force après la Crisis, hein, qui sont l'équipe a priori à mener peut-être à construire une nouvelle version de la Justice League ou bref, en tout cas c'est ce qui a été demandé à Nightwing. De prendre le relais. Ça fonctionne toujours autant. J'aurais aimé que ce soit Bruno Redondo au dessin du Nightwing numéro 104, mais pour autant, c'est Travis Moore et je suis fan de cet artiste-là, donc j'ai pas boudé mon plaisir, hein, clairement. C'est quand même très beau. La couverture de Redondo est cool. Voilà, une bonne petite fin d'arc qui ouvre sur un mystère assez intéressant autour de Raven. Ouais. Mystère qui sera sans doute développé non pas dans la série Nightwing, puisque ça Mais dans m'étonnerait Titan. que, voilà, mais évidemment dans Titan, parce qu'on nous dit To be continued in Titans numéro 1. Donc là, on joue clairement le jeu de l'arc qui sert de backdoor pilot, comme on Ouais. aurait dit dans le terme de la série télé. Redondo de retour sur le numéro 105, oui, cool, effectivement. Et puis on a Titan numéro 1 derrière, avec cette couverture qui nous présente toute l'équipe. Un événement assez Surprenant. plus que surprenant qui se Ouais. produit au tout début du numéro 1 et qui Ouais. nous est confirmé ou pas à la fin du numéro 1, je vais pas en dire plus et je vais pas montrer du tout cet événement à la première page. Il y a juste un truc qui m'a dérangé dans le numéro. C'est Nicolas Scott. Ouais. Les dessins sont très chouettes, mais C'est particulier. son Garfield a un truc auquel je Ouais. n'accroche. Enfin voilà, Le visage. le Ouais, moi visage c'est pareil. de Gar, Ça perturbe. ça me va pas. Enfin moi ça me dérange. J'aime Ouais, je suis voilà. d'accord. Et c'est pareil dans le numéro 2. Le visage m'a fait tiquer aussi. Voilà, Tempest est incroyable, Nightwing, voilà, Non, mais les dessins sont incroyables. ils ont tous des superbes visages, graphiquement c'est fou, mais C'est dingue. je trouve que Beast, enfin Garfield, parce que dans sa part, dans quand il est en mode humain, ça passe pas. J'arrive pas. Numéro introductif, on s'installe dans la Titan Tower, sous les vivas de la foule, à Blue Daven. Il y a un truc qui va se passer, je crois que c'est Giganto. Je vérifie. Titano, pardon. Voilà. Titano, c'est qui, Titano qui attaque une centrale nucléaire. Ouais. On comprend rapidement que, bon, voilà. Il n'a pas fait ça tout seul. Et surtout, on croise Peacemaker. C'est vrai. On croise Peacemaker. Et ce qui nous était annoncé dans le fascicule qui était spécial Dawn of DC, que j'ai ici, le Dawn of DC Primer, on suivait Amanda Waller, qui justement était en train de sans doute fomenter quelque chose avec Peacemaker, avec son équipe et compagnie. On se dit, et si c'était elle la prochaine antagoniste de l'histoire, ou en tout cas elle a l'air de cacher beaucoup de choses et de préparer des trucs pas très cool. Ça a l'air de nous être confirmé dans ce numéro de Titans. Bonne introduction, numéro sympa. Maintenant il y a cet événement surprenant, ouais, dont je n'ai encore rien dit et dont je ne dirai rien. Je croise les doigts et tout ce que je peux croiser pour que pour qu'on nous sorte quelque chose qui nous fasse dire qu'on a mal compris et qu'on a mal vu. Moi je sais. Parce que j'aurais beaucoup de mal avec ça. Ok. Titans numéro 1, Boris. Pas lu. Clément. j'attends la VF. Clément, vu tes commentaires, tu partages le fait que c'est sympa. J'ai lu le 1 et le 2, donc. Ok. Alors, no comment. Mais c'est excellent. On continue. On va continuer avec toi, Clément, justement. Tu vas nous faire un diptyque de Superman, Action Comics 1055, ouais. Superman 5. Je n'ai pas le Superman 5, ce sera le Superman 4 à l'écran. D'accord. Donc, on continue toujours. Donc, c'est assez long comme arc. Donc, on est toujours à Action Comics sur le format anthologique et Superman sur une histoire à part entière. Alors, je dois avouer, j'ai lu les numéros hier, je dois avouer quand même que je commence à avoir une préférence entre les deux titres. Pour Action Comics, je pense. Non. Ah bon ? Pour Superman. D'accord. Ouais. Ouais, ça prend le... En fait, pourquoi ? Parce que le... c'est très con, hein. Mais en fait, la fin du numéro 5 prend une direction qui m'intéresse. D'accord. Voilà, qui commence à m'intéresser beaucoup. C'est vraiment une petite préférence parce qu'en vrai, le Action Comics, j'aime beaucoup aussi. On est toujours sur. Il y a toujours cette histoire qui est supérieure. La première histoire me plaît quand même davantage que les deux autres. Alors, Lois and Clark 2 est bien, mais bon, je trouve que ça tourne un peu en rond. J'arrive pas trop à voir où on. On veut aller, je crois que c'est Jorgens, ouais, qui est derrière. J'ai un peu de mal à voir. Bon, et toujours pareil, hein, l'histoire sur Steel, bah, clairement, c'est juste fait pour introduire la nouvelle série. Sur Steel, la première est plutôt cool. Donc, c'est assez efficace. Hein. C'est efficace, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour je commence à avoir une préférence pour l'histoire Superman 5. Mais globalement, ça confirme l'impression qu'on est sur deux très bons titres. Et ça fait du bien de lire des choses, des bonnes histoires sur Superman. Ça fait vraiment du bien. Superman a quand même été maltraité depuis une dizaine d'années, je dirais. Et la venue de Bendy, ça n'a pas fait du bien. Et n'en parlons pas. Donc c'est plutôt... C'est plutôt cool. J'attends de voir où on veut aller. Mais c'est vrai que ce que nous propose Williamson sur Superman, j'aime beaucoup parce qu'on a. On est sur. Comment dire ? Sur une histoire. Sur un statu quo qui est introduit depuis le numéro 1 qui est particulièrement intéressant vis-à-vis de Lex Luthor. Et moi j'attends de voir parce qu'on est sur une suite qui est plutôt pas mal avec. Alors honnêtement, les deux antagonistes. Alors j'ai un trou de mémoire sur les noms. Des docteurs, c'est pas grave. Mais je les ai pas parce que j'ai pas lu depuis 2 mois, donc. Ouais, donc on peut croire assez anodin. Et le numéro 5 se termine d'une façon qui est de dire ok, ok, ok, faut voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est très très sympa. Bon, alors le Superman, ça a quand même une dimension d'avantage blockbuster, je dirais. Mais c'est efficace et c'est très plaisant à lire. C'est très plaisant à lire. Ok, parfait. Parfait, parfait. On va donner la possibilité à Boris de nous parler de Season of Teeth, numéro 2. C'est gentil, merci. Donc c'est Dan Waters au scénario, Sébastien Cabrol et Dan Jackson au dessin et à la colorisation. Alors j'ai parlé du premier, j'avais été un peu surpris par ce que c'était en fait, hein. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et ça avait un aspect un peu étrange, comme c'est une mini en 4. J'avais l'impression que c'était un peu des épisodes indépendants. Et ça l'est plus ou moins. Alors on retrouve le même personnage que dans le premier épisode, ce photographe là, qui cette fois-ci va tenter de prendre en photo aux côtés de stars de la photographie, on va dire, hein, des grands maîtres qui travaillent pour les journaux, etc. Cette fameuse déité là qui représente cette fois-ci l'été, puisque à chaque saison on va avoir un épisode et chaque saison est représentée par une espèce de créature divine assez étrange et plutôt maléfique, auprès de laquelle il vaut mieux éviter de s'approcher. Donc on retrouve ce personnage et on va suivre dans sa quête de la photo qu'il faut prendre, et tout en découvrant un petit peu son passé. Et bien maintenant que j'ai compris un peu comment veut construire sa série de Dan Waters, j'avoue que j'ai bien accroché à ce deuxième épisode. C'est plutôt bien fichu, ça peut faire une histoire en un, hein, sans qu'on ait suivi le premier épisode, mais il arrive quand même à étoffer un peu le background du personnage principal. Et puis graphiquement, Bastien Cabrol, ça le fait quand même, hein, avec cette aussi bien dans l'aspect des personnages humains, voilà, dans le côté intime un peu qui fonctionne bien, que dans le côté spectaculaire avec cette créature vraiment assez effrayante. Et il y a un peu d'émotion aussi, ça fonctionne pas mal. Moi j'ai trouvé que ce deuxième épisode fonctionnait bien et s'intégrait bien à la suite du premier. Donc je suis pas mécontent d'avoir continué, et je pense que bon, au final ça fera pas un chef-d'œuvre, mais ça fera une. Si ça continue comme ça, ça fera une bonne lecture en 4, assez originale, puisque au départ, voilà, le pitch de base est pas très commun, donc c'est non, plutôt satisfait de cette lecture. Ok, cool, peut-être en graphique, en TP, pardon, pour moi. Oui, continuons, allez, je vais faire deux numéro 1 rapido, parce que il n'y aura pas forcément besoin de plus. Le premier, c'est Green Lantern, de Jeremy Adams, avec Xermanico au dessin, et qui dit Xermanico dit c'est très beau, voilà. Et puis on a la suite de l'histoire principale de Green Lantern, une histoire sur John Stewart, qui s'appelle Homecoming, par Philip Kennedy Johnson, encore lui, décidément. Il est assez présent. Retour de Hal Jordan sur Terre, intéressant dans le sens où il y a vraiment le côté, c'est ce que j'avais pu dire quand j'avais donné mon avis la semaine dernière, le côté intéressant, c'est le côté public et off de Hal, c'est-à-dire qu'en public, il fait bonne figure, il reprend sa vie un peu là où il l'avait laissée, avant de quitter la Terre, il retrouve Carol Ferris, il repostule pour bosser dans son entreprise en tant que pilote, il fait un peu le showman, le casse-cou, etc. Et puis il y a le Hal Jordan qui se retrouve tout seul le soir à regarder les étoiles et à se remémorer un peu ses souvenirs de ses aventures, et on le sent rapidement à regretter tout ça, quoi, être très nostalgique de ce temps-là et... Et le retour sur Terre qui a l'air comme ça, facile de lui faire plaisir et tout à fait lui convenir, on sent bien qu'il y a un truc qui va pas chez lui et que voilà, ce serait pas étonnant de le voir sombrer dans une petite dépression ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, ça peut être une série qui vire sur un côté un peu sombre par rapport à la psyché de Hal. Et ça m'intéresse. Bon, la deuxième histoire sur comment s'appelle-t-il? John Stewart fonctionne bien. Fonctionne très très bien. Elle est assez assez émouvante par moment. Il y a aussi Guy Gardner qui est là. Ma foi, c'est un premier numéro sympathique, qui fonctionne bien, qui donne envie de continuer. Ce sera sans doute plutôt un TP pour ma part, parce que je suis pas assez fan de Green Lantern pour suivre ça en single mensuellement. Mais en tout cas, c'est un numéro 1 qui lance bien le truc. Voilà. Et puis l'autre numéro 1, toujours dans le Dawn of DC, j'essaie de lire tous les numéros 1 du Dawn of DC. Celui-là, de toute façon, je risquais pas de le rater pour rien au monde, puisqu'on parle de Dan Mora et de Mark Waid. C'est Shazam. Déjà la couverture. Je pourrais la regarder pendant des heures, je veux ça en poster tous les jours, quoi, dans toutes les pièces. Elle est incroyable cette couverture. Et puis regardez là cette ouverture, Shazam, ou plutôt Captain Marvel, puisqu'il a repris ce nom-là, et c'est la première surprise de voir le fait que ce nom-là soit à nouveau utilisé. Je me dis, tiens, il y a eu un truc en termes de droit qui s'est réglé, je sais pas, en tout cas, Shazam s'appelle de nouveau Captain. On l'appelle Captain pendant tout l'épisode, mais si on regarde bien en fond, dans les cases, etc., le nom Captain Marvel est bien écrit plusieurs fois, donc c'est tout à fait assumé jusqu'au bout. Donc tant mieux. Tant mieux, c'est expliqué pourquoi il a changé de nom. Il l'explique lui-même pourquoi il s'appelle plus Shazam, et comment on en est venu à le nommer Captain, et pourquoi ça lui va tout à fait. C'est assez cool. Visuellement, c'est une démonstration. Il n'y a pas d'autre mot. Et en termes d'histoire, bah, Mark Waid, depuis qu'il est revenu chez DC, on sent qu'il se fait plaisir, qu'il est revenu à la maison. J'ai l'impression qu'il s'éclate comme jamais. Ce qu'il fait sur Batman Superman, ce qu'il fait maintenant sur Shazam, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Il nous parle de Shazam, il en oublie pas de nous parler de Billy Batson, de la Shazam Family, on va dire. Il y a un petit caméo ici qui est absolument incroyable. Je vais essayer de vous mettre en gros plan. Voilà ce que regarde Shazam à la télé. Excellent. Adam West est très présent dans les titres d'ici en ce moment. Voilà, on n'oublie pas de nous parler de Billy. Il y a même un passage assez intéressant où Billy nous explique lui-même pourquoi c'est important pour lui de ne pas être tout le temps Shazam, alors que Shazam, il est pourtant surpuissant, il a les pouvoirs de plusieurs dieux, etc. Donc du coup, on pourrait se demander, mais pourquoi il a besoin de redevenir Billy de temps en temps? Et bien, il le dit, et c'est assez intéressant, la raison pour laquelle il a besoin de se transformer, de redevenir Billy Batson régulièrement. C'est vraiment chouette. On n'en oublie pas de nous mettre en place une petite intrigue mystérieuse, menaçante, dans l'ombre, etc. Ça fait son taf de numéro 1. Il y a la nostalgie, le développement du personnage, son évolution avec son nouveau nom, un petit mystère en fond qui est assez léger pour le moment, mais qui s'annonce quand même assez intéressant. Une référence à Dark Crisis, enfin tout est là. Pas à Dark Crisis, à Lazarus Planet, pardon. Voilà, tout est là. Ça va sans doute être une chouette série, ça. Mark Waid, Dan Mora, le nouveau duo à suivre chez DC. Voilà. Je suis le seul à l'avoir lu, ce Shazam ? Oui. Ok. Oui. On va rester chez DC avec Clément. Tu vas nous faire un diptyque Batman. Tu vas commencer par Batman 135-136, c'est-à-dire 900 et 901. Et ensuite, tu nous feras le What Might Present Generation Joker de Sean Murphy. Allez. Ouais. Alors, et je sais qu'on aura sans doute un petit avis différent sur le Batman. C'est pas grave, ça. 134 ? Non. 135. Je viens de le dire, j'ai bugué. 135. Le Batman 135, qui est la fin, je crois, de Failsafe. C'est la fin de Failsafe ? C'est la fin de la grande partie autour de Failsafe, ouais, je pense. Mais je sais pas si c'est considéré comme un arc différent. Bon, enfin, prenons ça sur la fin de ce grand arc sur Failsafe. Alors, qui parle aussi, après, c'est aussi le propos, d'ailleurs, assez surprenant en soi, d'avoir ça sur Batman, sur du multivers. Et donc, on est sur un numéro qui se veut hommage parce que c'est l'équivalent du numéro 900 Legacy, ce qu'ils appellent maintenant le fameux Legacy 900, et je peux pas m'empêcher de penser à Public Domain par rapport à ça. Donc, on est sur d'ailleurs un issue plus long que la normale, je crois. Ah oui. Beaucoup plus long On d'ailleurs. l'a bien senti d'ailleurs. Qui se veut hommage au multivers et en l'occurrence sur les différentes itérations de Batman. Donc, que moi, enfin, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est vrai que je trouvais ça plutôt bien amené sur les différentes itérations. Et encore plus, je crois, quand je l'avais lu, j'avais dû le lire à peu près quand j'étais allé le voir, ce Flash. Donc, c'est vrai que quand on lit ce numéro et à côté qu'on a vu The Flash, ça fait quand même assez plaisir parce que pour le coup, c'était plutôt bien amené et j'ai trouvé que le propos derrière était assez intéressant de ce point de vue-là. Donc pour moi, ça a été globalement une réussite. Et ensuite, on a ce numéro donc qui est la suite directe, qui est le 136, du coup. Donc là, qui entame un nouvel arc, qui démarre assez mollement, assez mollement, mais qui se termine d'une façon, je me dis, où va nous amener Starsky? Parce que manifestement, vu comment ça se termine, on va avoir les conséquences. On va avoir les conséquences de tout ce qu'a connu Bruce Wayne, Batman, par rapport à ça, par rapport à PXF. Et potentiellement, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc voilà, ça m'intrigue, c'est... Ça intrigue. Ça intrigue. Même si je sais que ça peut faire débat, puisque ça peut ne pas être la direction qu'on aimerait avoir pour le titre Batman. Mais pour le moment, moi, je suis le bon pigeon que je suis. Va continuer, parce que pour le moment, j'aime plutôt ce que fait Zdarsky sur Batman. Ok, je reconnais que le côté multivers est intéressant, les caméos sont cool, etc. Maintenant, je pense que moi, je vais arrêter de lire la série Batman. En tout cas, juste tant que Batman restera un concours de beat entre les scénaristes qui enchaînent sur cette série, je vais arrêter parce que on a l'impression que c'est à celui qui va faire le truc le plus grandiose, le plus spectaculaire, C'est pas faux. le méchant le plus puissant, le plus menaçant, le plus truc, tout ce que. Et ça me fatigue un peu, en fait. Donc Ah, je comprends. Batman s'arrête à ce numéro pour moi. Je reviendrai peut-être lire le premier numéro du prochain scénariste. Maintenant, tant que ça restera cette atmosphère un peu. Voilà, c'est moi qui ai la plus grosse. Bon, bah, ça m'intéressera pas. Donc c'est pas grave. Il y a un public à qui ça parle. Et tant mieux. Je vais pas me plaindre de ne pas être le public de toutes les séries. Ça me permet aussi de faire des économies et c'est cool et de gagner aussi un peu de temps. Ce qui m'a un peu dérangé aussi dans ce numéro, c'est qu'il est partagé à trois dessinateurs Mike C'est vrai. Hawthorne, Jorge Jiménez, Mikael Ranin. Et ce qui me gêne, c'est qu'on passe de la page de gauche à Mike Hawthorne, qui est pas très en forme. Pas super beau, Et non. page de droite, c'est la même scène, et est dessinée par Mikael Ranin. Et là, on voit la diff. Et ça, moi, ça me sort du truc. Ouais, je comprends. Si on n'est pas sur deux scènes différentes, pourquoi tu changes de scénariste entre le dessinateur entre la page de gauche et la page de droite? Il n'y a aucun sens à faire ça. Ou alors, c'est que le dessinateur était à la bourre, il n'a pas réussi à finir ses planches, c'est Possible. sans doute ce qui est arrivé. Mais page de gauche, hop, pas incroyable, notamment sur les visages, j'ai l'impression de voir du Brian Hitch. Et page de droite, Mikael Ranin, qui prend le relais de la même scène, il y a une vraie rupture. Même dans la partie graphique, il y a une vraie rupture. Il y a un moment plus tard dans le numéro où il y a des ruptures graphiques, mais c'est normal parce qu'on est dans le multivers, on va Ouais, explorer plusieurs c'est versions de ça, c'est Batman. justifié. C'est tout à fait justifié. Ouais. Il y a des planches notamment de Jiménez là-dedans. Il y aurait Jiménez, il est surtout dans cette partie-là. Il est incroyable. Ils arrivent à se fondre les uns et les autres dans les styles graphiques. C'est ça, c'est fort. Voilà, ça, c'est graphiquement, C'est très fort. c'est quand même assez intéressant de voir à quel point cet artiste arrive à se mettre dans les styles Ouais, graphiques et les ouais. ambiances de toutes les C'est versions de ça qui est Batman qu'il génial. propose. Ouais, c'est... Quand on arrive sur la page où on est sur la page Adam West, on a l'impression de voir C'est ça. de voir C'est ce que... le vrai Adam West à la série Ouais. télé. Tout est là dans les couleurs, la Et mise en il y a une scène. vraie proposition. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé, c'est que Alors, effectivement, je suis d'accord. Batman Beyond ou The Animated Series, c'est, bah, c'est Batman c'est The Animated c'est Series. Enfin, et ça, c'est génial. Ça, j'ai adoré. Je crois que ça doit être le truc qui m'a fait kiffer. C'est, tu as une référence au Batman Animated Series. Et c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait que tu es en mode ouais, non, quand même. Enfin, t'es faible parce que forcément ton enfance et tout ça, mais c'est tellement bien amené. C'est tellement bien amené que voilà. Mais après, je suis d'accord avec toi, il y a des difficultés sur, sur cette rupture graphique qui est malheureusement pas justifiée. Ça peut te sortir du numéro. À la rigueur, s'il y avait eu que ça, ça m'aurait pas dérangé. Mais oui, même dans le scénario, c'était peut-être un peu trop pour moi cette fois-ci. Mais tant mieux, je vais gagner du temps et de l'argent. La série Batman n'est pas faite pour moi et c'est pas grave. Le diptyque numéro 1 et numéro 2 de Generation Joker de Sean Murphy dans l'univers du White Knight, qu'est-ce que ça donne rapidement? Alors, parce qu'on est un peu à la bourre. Ouais, en l'occurrence, c'est pas pour le coup Sean Murphy au scénario. Je crois que c'est Katana Collins, que je ne connais pas d'ailleurs, je ne connaissais pas. C'est sa femme, je crois. Oui. Ah, d'accord, ok. Et bah ça se ressent quand même que c'est pas au scénario, parce que alors c'est pas mauvais, mais ça vaut pas ce que fait Sean Murphy sur cet univers. C'est assez faiblard. C'est pas, bah, c'est une série je crois qui est en 6 numéros, je crois, enfin qui est assez courte, qui continue à prolonger l'univers de White Knight. Alors c'est pas mauvais, hein, attention, c'est pas mauvais, c'est juste en dessous par rapport à ce qui a pu être fait sur White Knight. Donc j'ai lu effectivement les deux premiers numéros, j'ai lu notamment le deuxième ce matin. J'ai un peu de mal à voir où veut aller le scénario. Bon, c'est forcément fait aussi en lien avec Sean Murphy. Un peu de mal à voir. Je vais quand même continuer parce que ça m'intrigue quand même. Pour le moment, les deux premiers numéros sont assez faibles. Et ça se focus en fait sur les enfants de Jack Napier. Donc de ce point de vue là c'est pas intéressant. En fait il y a des parties pris qui sont intéressantes, d'autres qui sont assez bancales. C'est assez curieux. Ça me laisse, voilà, les deux premiers numéros me laissent dubitatif. Est-ce que c'était indispensable, je pense, pour prolonger l'histoire de White Knight? Je suis loin d'être convaincu. Maintenant, à voir sur le long terme ce que ça va... Ce que ça va donner. Pour le moment, je suis très partagé. Ok. Je n'ai pas commencé cette mini, parce que moi je découvre White Knight et son univers en Urban Nomad, donc j'en suis loin d'arriver là. Boris, je pense pas que tu lises ça non plus en single. Non plus. Moi aussi, j'essaie de rattraper un peu en Urban, mais j'avoue, j'accroche pas. J'avais pas trop accroché au tout premier. C'était un peu. Ouais. J'essaye de reprendre là, mais moi, l'écriture de Murphy me passionne pas. J'aime bien son dessin, mais je trouve que son écriture, ça me convient pas. Moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Donc, mais Katana Collins, c'est elle qui avait fait la mini sur Harley Quinn dans cet univers. Ah oui, c'est elle. Oui. Ah d'accord, j'avais pas capté. Qui était très bien d'ailleurs. Oui, qui a priori a bonne réputation, donc. Après, c'est peut-être les personnages, parce que là, c'est vrai qu'on est sur les gosses. Peut-être le problème vient peut-être plus des personnages dans ce cas. C'est possible. Boris, il te reste un titre à aborder si je me suis pas gouré dans le conducteur. Ça s'appelle Wild's End et c'est le numéro 1. Dis-nous en plus. Alors, Wild's End, c'est l'adaptation en comics de La Guerre des Mondes de. H.G. Wells par Dan Abnett et Ian G. Kuehlbarg. Ok. Les deux premiers tomes sont sortis chez Kinaï en VF. Et c'est très très bon. Et la troisième, ce qui a priori est la troisième mini-série, j'avoue que j'ai essayé de rechercher, je suis pas sûr, mais a priori c'est la suite. Troisième mini-série, là, vient de démarrer, donc en VO, en single. Je dis que je suis pas sûr parce que l'épisode. Alors, il y a longtemps que j'ai lu les deux premiers, mais ça a l'air de partir un petit peu sur une autre chose, mais peut-être que ça va se reconnecter après, j'en sais rien. Donc c'est une histoire anthropomorphique, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui jouent les rôles des humains. Et donc là, on se retrouve dans un petit port anglais, a priori, où un groupe de pêcheurs constitué de personnes de la même famille et puis d'autres personnes en plus partent pour plusieurs jours en pêche, donc On va suivre un peu et découvrir les personnages au fur et à mesure de leur interaction sur le bateau. On va voir que voilà, certains ne sont pas forcément à leur place et qu'il y a des secrets plus ou moins enfouis qui ressortent. Et puis ils finissent par être coupés complètement de la Terre parce que les communications ne fonctionnent plus. Et donc ils vont quand même réussir à rentrer à bon port, je puis dire. Et là, ils vont découvrir un mystère que je ne vais pas révéler. Donc, ça fait tout le sel du cliffhanger, on va dire. Et bah, c'est. Alors là, tout à l'heure, on parlait de série qui prend son temps. Là, c'est vraiment une série qui prend son temps, puisque les 80% de l'épisode, ce sont des dialogues entre les personnes et que, voilà, on découvre un peu leurs relations et leurs antagonismes. Mais moi, j'ai bien aimé. Et puis, c'est vrai que le mystère révélé sur la fin, là, donne carrément envie d'aller voir la suite. Donc une bonne lecture. Inji Kelbard au dessin, moi j'aime beaucoup. C'est celui qui a dessiné Everything avec Christopher Cantwell notamment. Et puis Salamandre, Eh oui. dont on a. Donc moi j'aime beaucoup ce dessinateur. Et puis l'écriture de Dan Abnett, on est loin évidemment de ce qu'il a pu faire dans le Cosmic Marvel ou ce genre de choses. Mais ça fonctionne très bien. Donc je suis bien accroché. Alors, l'argument supplémentaire qui m'a fait prendre ça en VO, c'est que Kina a dit que les tomes VF s'étaient très mal vendus et qu'ils n'étaient pas sûrs du tout de publier le tome 3 si jamais, enfin quand il sortirait quand il D'accord. serait complet, on va dire, en VO. Donc là, c'est si parti, donc voilà, dans 6 mois c'est fini. Et je suis pas sûr que ça sorte en VF, donc bon, voilà, j'ai choisi de le prendre en VO, de le suivre. Comme ça, j'aurai la. Normalement, ce qui est la dernière mini-série, mais pour l'instant, le lien avec les deux premières est quand même assez flou. Ou alors, vraiment, j'ai tout oublié. Mais je crois pas. Alors, peut-être que c'est une autre histoire qu'ils adaptent de. Je sais pas. Je verrai bien. Je vais en parler de toute façon à chaque fois quand j'aurai lu un épisode. Donc, je pourrais dire si c'est toujours inscrit dans le même univers et la même histoire. Ok. Mais bon, même si on n'a pas lu les deux premiers tomes, ça peut se lire tout à fait. On peut prendre cette mini-série sans avoir lu les autres et démarrer là-dessus. Donc moi, très très bonne lecture. Parfait. Il nous en reste encore un chacun. Clément, c'est à toi de conclure avec ton dernier titre qui est Dark Knights of Steel, le Oui. fantastique Dark Knights of Steel numéro Oui. 11. Oui, fantastique dans tous les sens du terme. Donc un numéro de la fin. Donc pas mal de retard, hein, je crois, sur le numéro 11. Je dirais que Oui, il y a une c'était vraie peut-être. rupture après le numéro 9. Mais à partir Ouais, du 9, peut-être. ça commence à traîner. Ouais, ça commence à traîner, ce qui rend d'ailleurs la lecture pas des plus faciles, pour le coup. Néanmoins, retour avant un dernier numéro qui sort, je crois, ce mois-ci, peut-être, sauf s'il Peut-être. n'y a pas de retard. C'est toujours aussi. Enfin, voilà. Enfin, je pense qu'il faudrait le relire d'une traite pour vraiment profiter de l'histoire à son maximum, mais quelle réussite! Quelle réussite! Graphiquement, c'est une dinguerie. En termes de scénario, c'est toujours excellent. Je suis toujours aussi épaté de voir comment Taylor s'approprie, pardon, la mythologie de DC pour en faire quelque chose à base d'héroïque de fantasy, et ça marche super bien. Et on a un dernier numéro qui se termine avec un cliff qui annonce du lourd pour la suite. Et vraiment, ça aura. C'est une réussite totale. Même si. Ce qu'on vient de dire, même si malheureusement la lecture est nuit par ces retards de publication, ça marche super bien et c'est vraiment une pépite et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable ce que Taylor arrive à faire d'une façon globale sur DC, chez DC, c'est incroyable et ça va vraiment. Dark Knight of Steel, ça va être un must. Je trouve que c'est un must à lire. Je pense qu'en VF, ça va se vendre comme des petits pains. Et à voir après si Taylor va prolonger le truc comme il a pu le faire, je crois, sur Deceased. Mais voilà, enfin, c'est une vraie réussite et j'ai hâte de voir comment il va terminer cette saga qui est vraiment exceptionnellement réussie. Parfait, parfait, parfait. Ah oui, c'était commentaire sur Doug Zapp, sur Ian Jekyllbart qui avait bien aimé Everything et qui. Et Boris qui nous dit on est loin d'Everything. Ok. Mon dernier titre, moi, ce sera Radiant Black numéro 24. Kylie Gintz, Marcello Costa, tout ça, c'est la fin d'un arc encore entre Shira Diane Black. Et pourquoi ce numéro 24? Parce que c'est, rappelez-vous, le numéro 10 de Radiant Black, qui était sorti en deux versions, version classique et version Blacklight Edition. C'est encore le cas de ce numéro 24, parce que oui, on retourne dans cet endroit qui s'appelle l'Existence. Y a une vraie raison hein, pour y retourner une nouvelle fois. On retourne dans l'Existence, rien que sur la version qui n'est pas la Blacklight que je montre à l'écran, on voit déjà des couleurs qui pètent dans tous les sens, parce que c'est vraiment un endroit... C'est assez incroyable graphiquement cet endroit. Et Nathan, et j'oublie toujours le prénom du deuxième, c'est un truc incroyable. Marshall. Voilà, Nathan et Marshall vont dans l'Existence découvrir de nouvelles choses par rapport au Radiant, par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à ce qui va se passer prochainement. Voilà, le numéro 10 avait servi de charnière pour partir sur une nouvelle arche. Qui est encore en cours. Le numéro 24 marque un nouveau virage. À chaque fois qu'on va dans l'Existence, il se passe des trucs, on découvre des trucs. Et je vais spoiler la fin parce que c'est pas très grave. C'est surtout éditorialement, on est au courant qu'ils ont fait ça maintenant. Ça a été diffusé largement. Nathan et Marshall partagent les pouvoirs du Radiant Black depuis maintenant 7 ou 8 numéros. Mais il y a des bugs dans les pouvoirs, et c'est entre autres pour ça qu'ils retournent dans l'Existence, pour comprendre pourquoi ils ont du mal à se transformer parfois, ils ont du mal à se passer les pouvoirs, il y a des trucs qui déconnent un peu. Et puis ils vont essayer d'avoir un peu des informations sur ces espèces de robots là qu'ils ont découvert récemment. Ils vont avoir toutes ces informations, graphiquement vous le voyez à l'écran pour ceux qui sont sur le live ou en replay vidéo. C'est incroyable. La version Blacklight avec la lumière ultraviolette est absolument folle. On la regardera la semaine prochaine ici même. C'est dingue. C'est dingue. Et surtout, à la fin, donc il y a eu de la com autour de ça, donc c'est pour ça que je me permets de le spoiler. Hein. L'Existence, la créature, l'entité qu'ils rencontrent dans l'Existence, leur explique que. Il va falloir choisir. S'ils veulent pouvoir continuer en tant que Radiant Black, il n'y en a qu'un qui peut porter le costume, et il va falloir choisir qui peut porter le costume, enfin, qui peut porter le Radiant, et être le Radiant Black. C'est pas possible de le partager à deux, ça va leur attirer que des emmerdes, ça finira par ne plus marcher, etc. Chaque Radiant ne peut être connecté qu'à une personne. Et il faut choisir. Et qui est-ce qui va choisir? Ben, c'est pas Nathan, c'est pas Marshall, c'est nous. C'est nous, avec le QR code que l'on voit à la fin du numéro. On scanne le QR code et ça nous menait sur un sondage. Et vous, lecteur, pour vous, qui doit être le porteur du Radiant? Le sondage est terminé, c'est pas la peine d'aller vous exprimer là-dessus. Je ne sais pas à quoi renvoie le QR code maintenant que le sondage est terminé. Mais en tout cas, le choix a été fait par les lecteurs. Et on va prochainement découvrir qui de Nathan ou Marshall portera le Radiant Black pour la suite de la série, et surtout qu'est-ce qui va advenir du deuxième, et c'est plus ça qui m'inquiète moi. Bonne idée scénaristique, bonne idée éditoriale, il y a beaucoup d'interactions qui se passent entre le monde du Massiverse et le monde réel, une fois de plus c'est le cas. Moi Radiant Black, ça continue à me plaire, ça continue à me séduire. Juste un petit mot en 30 secondes pour vous dire que j'ai aussi commencé à lire le Supermassif 2023 par Kylie Gins, Ryan Parrott, Melissa Flores, je crois que c'est Ursula, mais j'ai un doute, donc je vais chercher dans les crédits parce que j'ai horreur d'écorcher les noms des gens. Évidemment, les crédits, c'est Matt, c'est pas du tout Ursula, c'est Matt, donc là j'ai tout, Matt Groom, et illustré par Daniele Nicolo avec les couleurs de Walter Bayamonte. Je dois avouer que j'en suis arrivé à peu près à la moitié de la lecture, donc je ne vais pas donner mon avis sur ce one-shot, qui pour le moment fonctionne pas super bien, voire même pas bien du tout, tout court. Je l'attendais beaucoup, ce numéro Supermassive. Sur la première moitié, ça ne fonctionne pas. Donc je vais attendre de le terminer, je vais le terminer cette semaine et on en reparlera prochainement. Mais pour le moment, je suis assez déçu de ce qui se passe. Peut-être ça va partir dans une autre direction avec la deuxième partie, c'est pour ça que je me garde de donner un avis définitif, mais pour le moment, je... Bon. Je trouve ça dommage. Voilà qui conclut cette salve de chronique pour juillet. Le replay vidéo sera dispo très rapidement sur YouTube. Je le posterai, je le relayerai sur Comic Stories. Et puis la version audio de ce 327e Comic Stories arrive vite, elle aussi. Messieurs, la question habituelle avant de terminer ce numéro. Quels sont vos 2-3 lectures que vous attendez le plus de lire en juillet et dont vous nous parlerez à coup sûr le mois prochain? Boris? Quelle traîtrise, je ne suis pas prêt. Ah, pourtant je fais ça chaque fois. Mais oui, mais... Ah si, alors, c'est quoi ça? Il y a Swan Song qui va sortir, là, yes. De Maxwell Prince. Et là, le premier, donc c'est la nouvelle série anthologique de W. Maxwell Prince. Là, c'est dessiné par Martin Simons. Donc ça, c'était direct précommandé. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure de Jeff Lemire, Fish Flies. Ouais. Ça, c'est les nouveautés. Après, bah, il y a les séries dont j'ai parlé qui vont se continuer, hein. Et puis toujours en juillet, on en avait parlé l'autre fois, la nouvelle série de Garth Ennis, Ribbon Queen. Mm-hmm. Ça aussi, ça me chauffe bien, comme dirait l'autre. Et puis, bah, c'est tout. Si on se retrouve en août, après, ce sera des sorties en août bah, dont j'ai parlé tout à l'heure, la The Anfield Gang Tacre de Jacob Phillips et Chris Condom qui sort le 9. Donc, je ne sais pas si on aura fait le podcast d'ici là, mais sinon, voilà, c'est les sorties VO qui vont me. Inédites, on va dire, qui vont m'intéresser. Les autres, c'est des séries que je continue et je parle régulièrement. Voilà pour la VO. Clément bah, en VO, pareil que Boris, le Fish Flies, que je vais commander. J'attends aussi, parce que j'ai pas commencé, mais vous m'avez donné envie, le Great British Bump Off. Oui. Que j'ai préco. J'attends la suite de Nightwing, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais le Nightwing 105 était tout bonnement incroyable, donc j'attends la suite avec impatience. Saga aussi, parce que j'attends la suite de Saga, de Phantom Road. Et en VF, je pense que je vais me laisser tenter, parce que je crois qu'il sort très bientôt le nouveau Rambé chez Urbain, si je dis pas de conneries. Oui. Et puis après, bah après les comics habituels avec des comics là, des séries qui devraient, qui vont sans doute se terminer. Alors au mois d'août pour le coup, je pensais à Dark Knight of Steel, mais qui sort fin juillet début août. Pareil pour Adventures of Superman. Enfin, pas mal de choses là qui vont continuer à se terminer. Ok. Sur les ramevés, je vais faire les articles les trois des 4 sorties là, vous aurez mon avis cette semaine sur parfait semaine Ram V en termes de chronique alors parfait. Pour ma part en VO il y aura The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos de Tate Brombal, Nick Robles, Isaac Goodhart, etc. qui était sorti sur le Substack Tiny Onion. Qui sort en version papier chez Dark Horse, ça m'intéresse. Les numéros 1 du Dawn of DC que je dois continuer, toute la vague We Are Heroes avec We Are Legends pardon, avec City Boy, avec Spirit World, avec Vigil aussi. Voilà tous ces numéros 1 là, le Brave and the Bold de Batman numéro 1. Voilà, évidemment la suite de cette incroyable chose qu'est World 3. Le Flash 800, enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui m'intéressent pour le mois à venir, et puis la suite de ce dont on a parlé aujourd'hui, évidemment. Et puis en VF, Mundus et Big Under chez 404 qui sont dans ma pile. Les deux volumes. Il n'y a pas aussi en sortie là, en juillet de première intégrale de Tortue Ninja ? Évidemment, chez iComics le 12. Ah, le 12, aïe, aïe, aïe, J-10, exactement. Ça va faire partie des achats du mois de juillet, pour ma part, effectivement. Je pense aussi pour moi. Et puis peut-être me lire, si j'ai le time, un petit Chronicles de chez Urban. Peut-être le Flash. Voilà. Je les regarde derrière moi, et oui, ce sera sans doute le Flash. Ok. T'avais des trucs en VF, peut-être, Boris, que tu as fait la distinction VO tout à l'heure? Ah oh bah oui, ça des trucs en VF, j'en ai un paquet. bah là j'ai lu les... Bon, qu'est-ce qu'il y avait? Bonne question. Dans ma pile j'en ai un paquet. Mince. S'il n'y en a pas un qui te viennent en titre. tête, c'est peut-être que Si, c'est si, mais pas assez alors prioritaire. des. Oui, pas trop, non. Les Chronicles, effectivement, j'en ai un paquet à rattraper. Le Flash, le Batman que j'ai pas, et le JSA aussi. Ils en sortent beaucoup trop d'un coup. Ben là, ça a été un peu. Ouais, ils ont été plus que moi, donc j'ai eu Non, un peu de mal. ça va très très vite. Sinon, il y a le Lazarus tome 8, puisque Oui. c'est la série qui sortait chez Glénat, Urban l'a récupéré, donc il faut que je lise le tome 8. Et sans doute que je me remette en tête l'histoire, parce qu'il y a tellement longtemps que le Ouais, mais précédent tome est sorti. je pense prendre la Après, version intégrale. oui, bah, prends l'intégrale. Moi, c'est vraiment une excellente série. Donc, si J'avais t'as pas lu commencé. jusqu'au. Si, si, j'en ai lu 6 au moins. Ah oui, Chez d'accord. Glénat. Donc, ça va être ouais, effectivement un gros plaisir à reprendre, même si j'ai un petit peu peur d'avoir un peu tout oublié. Moi, les Tortues Ninja, je suivais en les volumes précédents, donc je vais sans doute pas reprendre l'intégrale, même si elle a une bonne tête. Et puis c'est surtout des lectures. Là, à juillet, il n'y a pas énormément de trucs. Enfin, j'en ai parlé un peu, hein, des Ram V et tout ça, mais ça, je les ai déjà lus. Je vais en parler. Mais après, bon, il va y avoir une petite pause quand même pour l'été, donc je vais essayer de rattraper tout ce que j'ai pas encore eu le temps de lire des mois derniers. En gros, c'est ça. Sinon, il y a. J'en reparlerai, mais en fin août, il y a le deuxième tome de Friday de Ed Brubaker qui sort aussi chez Glénat. Il faudra qu'on en retouche un mot. Et puis voilà, bon, c'est tout, rien de plus, je vais C'est déjà pas. pas mal, c'est déjà pas mal. Merci messieurs pour cette salve du mois de juillet. On se retrouve donc au mois d'août pour la prochaine. Merci à ceux qui étaient dans le live pour commenter. On va continuer juste quelques minutes après, mais je conclus proprement ce podcast. On se retrouve donc le deuxième dimanche d'août pour la prochaine vague de chroniques où il y aura pas mal de trucs que l'on vient d'évoquer, sans doute d'autres. Bon mois de juillet à tous et à toutes. Merci de nous avoir regardé ou écouté si vous écoutez le replay. N'oubliez pas, vous avez encore quelques heures pour participer au concours Do a Power Bomb qui est en ligne sur tous nos réseaux. Ce sera 20h pour le tirage au sort, donc il vous reste un peu de temps. Ça, c'est juste pour ceux qui sont en live du coup. À très vite. Bonne lecture d'ici la prochaine fois. Bye bye. À bientôt. À Salut. bientôt.